un peu. C'est une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Il y a bien un rappeur que t'aimes pas, là, localement, dans le 70. Enfin, que tu trouves que c'est nul à chier. Là, actuellement, là. Non. Non, t'aimes tout le monde. Non, tu, après. Tu suis un peu ce qui se fait. Ouais, je suis un petit peu ce qui se fait. Après, pour moi, chacun arrive avec sa sauce. Tu vois. Ouais, mais on n'aime pas toutes les sauces aussi. Bien sûr, il y en a qui adhèrent moins, c'est sûr et certain. Voilà, bah c'est eux là. Non, pour pas donner de nom, tu vois. Stop, on parle de eux là, ceux que t'adhères moins là. Bon, donne pas de nom, ça se fait pas, sauf si t'as vraiment envie de le faire. Mais donne pas de nom, tu vois. S'il y en a un de ceux que t'adhères moins qui vient et qui te dit, vas-y, viens, on fait un feat. 2000 balles. Gratuit, juste tu fais un feat et un clip. Vas-y, mon pote. Même gratuit, on lui fait. Même gratuit, si vous voulez, pas de même gratuit. Non, ouais. attends, vous avez pas compris. Il te demande, toi, sur son feat avec lui dans le son. Quoi, c'est moi qui lui donne 2000 balles? Non, c'est lui qui paye. Ah ouais, bah y'a pas de souci. On fait un feat. Ok. Tu vois, on fait un feat, on s'adapte un peu à. On essaie de s'adapter à ce qu'il fait, tu vois. Ça se trouve, je vais apprendre d'autres choses, tu peux pas savoir. Non, mais c'est le mec, la sauce que t'as derrière moi. Ouais, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Non, y'a pas de souci. Il t'a dit, s'en fout. Non, on fera un son ensemble, y'a pas de souci. Ok, donc t'es quand même assez ouvert. Ouais, grave, y a pas de jalousie dans le rap pour moi. Je m'en tape, tu vois. Okay. Chacun vient, celui qui perce, psahto comme on dit. Okay. Tu vois, celui qui perce pas, ben psahto aussi. Puis voilà. Mais je vais prier pour toi ce soir, parce que si tu perces, t'as dit tu faisais des dons, t'enregistrais tout ça, bref, on va t'en faire. Mais ouais, c'était une petite association. Ouais, on a une association. Bon. Allez, la 25e. Je suis trésorier en plus, donc. Vas-y, bah si on signe chez Def James, comme tu me disais, Buzak, pour 10 millions, j'en mets un ici. J'en mets un pour la sauce là. Okay, bon. Ah, c'est bon ça. Vas-y. On venait d'avoir une clim, putain. C'est bon, t'inquiète. Ah, ce qu'on va demander maintenant. Fais-moi confiance. Écoute, moi j'ai terminé mes questions, mais je vais pas te laisser comme ça, tu connais. Dis-moi, on va faire la rime facile. Je sais pas si tu te souviens, la rime facile, c'est simple. Tu vois, je crois qu'en plus on est pile poil, on est 10 dans le studio. Chacun va t'imposer. Excuse-moi, t'as eu le temps de compter. Ouais. J'arrive à parler et à compter en même temps. Excuse. T'inquiète. C'est ça de travailler à Def Jam Buzak. T'es un gars bien. Non, on est 10 dans le studio. On va t'imposer tous, chacun un mot. Donc ça te fera 10 mots imposés. Vas-y. Ouais, c'est ça. On est bien. Ouais, mais 10 avec lui. Ouais, avec lui. C'est honneur à l'invité. Il va se proposer un mot, tranquille. Vas-y. Allez, c'est parti. La rime facile, 10 mots imposés. Pendant ce temps-là, moi, je passe le morceau Le Jaune. Je remets un petit coup le morceau Olé Olé, histoire de t'ambiancer un peu. Dès que Olé Olé, il est terminé, on balance la rime facile, puis on enchaîne avec le freestyle. Le Jaune ? Allez, c'est parti. Le Jaune. Le jaune. Ça, c'est un son là, qui n'est pas encore sorti. Parlez de moi. Ouais, belle le jaune. Quand même, il parle des Noirs. Qui n'est pas encore sorti, on le clip là. Est-ce que c'est une insulte envers les Asiatiques ? Non. Le Jaune. Non. Il veut faire la police. Il va passer sur BFM. Non, c'est par rapport au... Ça va nous faire du buzz, c'est bien. Il y a un Yakuza derrière qui attend depuis tout à l'heure au cas où. Il va dire, ah, le jaune, il est venu exprès pour ça, en fait. Non, c'est par rapport au savon de Marseille. C'est le savon. C'est le savon de Marseille, ouais. Ah, le rappeur, celui qui nettoie bien, là. Exactement, ouais. Ah, il nettoie, celui-là. Ouais. C'est un concept, hein. Et puis, le jaune, ouais, c'est une exclu avec Giannini, là. Le son, il n'est pas encore sorti. On commence le clip ce dimanche à la Chicha Le Carré, à Saint-Sauveur. Ok. Et puis, voilà, normalement, ça devrait être un bon petit clip, ça devrait le faire. Mais pourquoi le jaune? Le jaune, parce que... Le jaune. On était en train de... Maman, coupe la radio. J'étais en train de me laver au savon de Marseille, puis je me suis dit, allez hop, je vais faire un son, le jaune. Où est-ce que j'avais la tête? Bien sûr. En me lavant les mains. Depuis le début, il était là. Ah là là. Donc on passe le jaune, toujours dans la 25e, Zama le pitre, radiosud.net 101.8, comme d'hab. Le jaune. Vous voulez qu'on vous met les micros? On vous met les micros pour faire le live ou quoi en même temps? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas donné les 10 mots. C'est vrai. Hey, qu'est-ce que tu crois, frère? Champion. Eh ben, tu sais quoi? Honneur à l'invité. Mais du coup, t'auras pas de live en fait. Si, on le fait après, tranquille. Ouais, sauf si tu veux. C'est comme tu veux. Non, mais sur le son, là, vous allez pas le rapper en live. Toi, tu vas être en train de gratter. Tu seras en train d'écrire, toi, normalement. Ouais, non, j'écrirai pendant Olé Olé. Pendant que tu passeras le deuxième temps. Il se remet des défis. Il se donne une minute. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon, ça. Bon, ben moi, pour moi, le premier. Il y a un stylo fait comme ça. Ah, j'allais te demander. Je vais gratter ça sur un papier. Tiens, tout est là. Tiens, Juju, fais passer. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Excuse-moi, j'étais. Lui, il est sur Twitter, il va te mettre le premier tweet, lui, c'est sûr. Il commence. Moi, je commence avec. La Martel. La Martel, premier mot. Un quartier de Montpellier, si j'ai bien suivi. C'est ça, mon pote. Qui donne un mot ? Alors, tu as écrit. Mais les jaunes. Alors, Mani. Le mot de Mani. La vie de rêve. Il y aurait eu. Je pense à un collègue à moi là, oui, ça aurait été loin. Le pastis. Tiens, le pasta. Vas-y, toi, tu veux la Martel. La Martel. Pastis. Non, non. Ah ouais, c'est écrit la Martel. Toi, tu prends quoi, toi? Moi. Attends, on va te laisser les noter, tu vois. Ouais, vas-y, allez, hop, hop. Moi, je dirais là, comme ça, je dirais l'accent. La Martel. Le pastis, l'accent, tu sais, c'est plus un cliché. Johnny, dis-moi. Mais la zone. La zone, ouais. La zone. Allez, c'est parti. Zif. Autoroute. Autoroute. Ah, là, ça parle péage. Là. Ouais. À 7. Montpellier. Ah, Montpellier. Louis. Famille. Famille. Et William, ouais. Il est parti fumer sa clope. On va mettre clope. Clope. Allez hop, on met clope pour William. C'est bon. Le frérot, on met quoi? Kagawa. Kagawa. Kagawa, c'est. Ah, il veut le tâcher. Ah ouais. Je suis même pas dire. Kagawa, c'est un joueur japonais. C'est écrit derrière son maillot. Ah, les bâtards. Respecte. Ouais. Vas-y, c'est parti. Attends. Ah, attends, il manque le mien. Ouais, voilà. Tu vois, il a fait. Ah, les bâtards. Et regarde non, maintenant, non, il va dire quoi. Alors, Twitter. Je vais dire. Non, tranquille, je vais te mettre. Tiens, Ozil. Comme ça, tu pourras le faire rimer avec fin. Ozil, le joueur de foot. Tu pourras dire Kagawa a fait la passe à Ozil. Donc, on a la Martel, Kagawa. La zone. Le pastis. L'autoroute. Montpellier. La famille. Clope. Clope. Famille. Aux îles. L'accent. Le pastis. L'accent, le pastis, c'est plus un cliché. Donc, la rime facile, je balance le jaune. Après, je rebalance olé olé. Et après, c'est parti, rime facile, freestyle, tout. Si quoi. Tu places c'est pas les 10 mots, tu payes ta graille. Ah ben, faudra aller à Luxeuil. Hein. Ah ouais, c'est loin. Vas-y. Ah mec, je la paye, c'est bon. Ok, vas-y. Allez, c'est bon. VLP, c'est chaud. Lève le cross, mon poteau. Le 34-7-0, c'est la Martel, mon frérot. Demande à Aziz là, ouais. C'est Hamzaoui. J'oublie pas où j'ai grandi, mon bel bandit. On fait des stupes, ouais, c'est fitness, croire tout permis. Ne calcule pas, mon frérot, on s'est déjà tout dit. On fume le jaune, on fume le jaune. Trop parano, mon poteau, j'crois qu'il m'espionne. Tu parles, tu chantes. C'est que des histoires fantastiques, tu nous racontes. Tire sur le bang et bienvenue à la zone. On fait nos boys seuls, mon poteau n'a pas d'idole. Elle s'ambiance seule sur la piste, elle fait sa folle. Le jaune est dans le code. Ouais, fume le jaune. Capri 5, sache pas qui fait les hommes. Ça lève en peine de Kawasaki avec sa zone. Je m'appelle Terre et tu me diminues et me quitte des gommes. Pour une plaquette, stage à vie et bambino. Passe-moi le mic, fais sûr qu'on le pille. Ouais, Mino. Un saut de fou avec sa main le pitch, avec brio. Kouma aïeuné sur le pitch, je suis dans 7-0. C'est bien l'endroit pour voir partir le tir. Et on s'en bat les couilles. On vient tout niquer cette année. Vas-y, pousse-toi, tu saoules. T'endors, parti sur le bangé. Tire sur le bangé, bienvenue à la zone. On fait nos boys seuls, mon poteau n'a pas d'idole. Elle s'ambiance seule sur la piste, elle fait sa folle. Le jaune est dans le code. Confiance en personne, y'a pour Dieu je me mets au sol. L'heure je trouve pas la boussole. La salle a dans le sous-sol. C'est le pit, oh my god. Commande de fou, ils veulent qu'on s'adapte. Le premier son il date. Le jaune est dans la boîte. Là je suis posé au carré. Je suis sur le banger. J'avais Johnny, le roi va vous gâter. Avec ça des boîtes, ouais, ça m'a faut qu'on nique tout. Ouais, j'suis posé dans la tête, dans ta groupe et tout. Elle fait sa folle, la la la, elle veut mon phone. Non, non, non, j'rappe dans la zone. Ouais, ouais, ouais, mon équipe ça folle. Bang, bang, bang. Tire sur le banger, bienvenue à la zone. On fait nos boys, c'est comme mon pote, on a pas d'idole. Elle s'ambiance sur la piste, elle fait sa folle. Le jaune est dans le cône. Tire sur le banger, bienvenue à la zone. On fait nos boys, c'est comme mon pote, on a pas d'idole. Elle s'ambiance sur la piste, elle fait sa folle. Le jaune est dans le cône. Okay. Le jaune. Donne-moi le pit, eh. Aïe. Du corps, frappe du seuil. Donne-moi le pit. Mazia, yes, une humeur. Les gars, on s'oublie pas. Aïe aïe aïe. Ça sent le sud, hein. Marwan, Elias, ici l'équipe. Dédicace au 7-0, la pomme. Laissez-moi, je suis pas bien dans ma tête, c'est la folie. Laissez-moi, je suis loin de tes jambes, j'ai le permis. On roule avec ou sans, pour moi y'a rien qui change. Et ouais, le sang, c'est vrai, que je te trouve étrange. Je me dis Hamza, ouais. La 25e, on est toujours là avec Zama qui est en train de gratter. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Il est 23h14, la rime facile, Zama le pit, l'émission La 25e jusqu'à minuit. Comme tous les jeudis, j'en profite pendant qu'il finit d'écrire. Pour nous ce soir, c'est la dernière de, on va dire, de la première saison. On est là depuis février. Et on tenait à remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés. On a eu de très bons retours. On a eu une petite galère au niveau des vidéos, mais tout va arriver. vous inquiétez pas, on coupe tout en août, on coupe tout. Il y en a qui partent en vacances, tranquille. On revient début septembre et on arrivera avec des nouveaux formats. On verra tranquillement, on parlera de ça à la rentrée. Donc ce soir, on est toujours avec Zama. Zama, est-ce que t'es prêt ou pas pour la rime facile ? Ouais. Est-ce allez, que t'es chaud ? J'ai pas vraiment enregistré le texte, mais on va essayer de le faire. Allez. Ouais, cool. Attends, je vais couper ça tout doucement. C'est la rime facile de Zama. Ok, c'est parti. Yes. Ok. Je débarque, j'ai l'accent. Un pastiche devient puissant. Je fais des tours dans la zone. C'est la martel, c'est le cartel, c'est Montpellier. La famille, une clope, une feuille, je fais fumer cacawa. Je prends l'autoroute du sud, je débarque le feu hostile. Une frappe à la Ozil. il l'a mis. Hein. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Si. T'as gagné le pack. C'est parti, freestyle ou quoi ? T'es chaud ? Allez, frère. C'est parti. Attends, tout le monde arrive. Tu commences sur laquelle ? Tu commences sur la boom bap ou tu commences sur la... Ok. Allez, c'est parti. Ba. Bra. Ouais. Le pit. Zama le pit. De fou, c'est Zama avec Johnny. Mani. Ok, ça fait. Aïe. Zama le pit. Ne viens pas et débarque comme un huissier. Zama qui attaque l'arme à l'épaule. Ça fait. Ça fait l'écho. L'écho. Ok, ça fait. C'est le piton Mike. Écoute Marie mon or, écoute ce rap encore. Hamza toujours là, la martel Montpellier. Écoute, j'ai faim de rimes. Comme être une des victimes, Zama. Je vais tout niquer, mais pas comme Ferrara tous les soirs. Je rêve de la Ferrari, ce qu'il faut faire, c'est vivre dans le dénonvie. Dans le haram, on pense qu'à l'argent et braquer les gens. Niquer monsieur l'agent, trop gentil avec eux. Ils disent qu'on les rend malheureux, le mal est de vivre. La peur de sortir, la peur de prendre des coups, la peur qu'on les découpe. Écoute ce nouveau son, attention la mort est proche. J'ai perdu tant de proches, rapproche-toi du paradis. Oublie tout ce haram, oublie tout ce mal et blanchis ton cœur. À mes frères et mes sœurs, on chavire, on se noie dans le haram. Ouais, Mani. Ouais, Johnny, on voit la sauce, mon pote. J'ai déjà veillé à la 27ème, j'ai l'argent à la carte ici. J'me bats les couilles poteaux, j'mets que des filles frappes à la Messi. Attends, j'n'ai pas fini, j'n'en vois que des missiles. J'n'ai pas fini, elle est passée où les temps de Harry Berry. Son bac Berry, j'arrête pas de pianoter. Pierre la descend sur le A. Ah, deck. Allez, on va la sauce, Mani. Sous mon poche, j'écris fonce D. Il voit que j'suis un petit, donc il veut tous me tester. Nique sa mère qui veut me tester, pas besoin de pétard, j'suis resté fidèle aux patates et aux coups de pied. Dans la zone, ça va t'enculer, dans la zone, ça va te laisser pour mort. Tu trahis la bande, tu meurs, j'détaille ma plaque et te sol. Et oui, au couteau à verre, dans un bolide, je me barrer. Des rodeurs à les barreaux, ne t'en fais pas, petit frère, j'vais t'apprendre la vie, c'est pas beau. Signorita, j'la trouve belle, elle me rend fou, elle tire des balles. Des poteaux qui t'ont poursuivi pour te rassurer, j'dis c'est pas grave, j'étais au fond de la classe. Et oui, j'détaille mes barres, joint à la pause en plus. Et oui, j'écris mes textes à la récré. Les Yankees à toute vitesse, énervé, viré d'histoire ou de français, je vais y arriver. Sans les deux personnes, et tu le sais, les CPE et les profs voudront se faire dédicacer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, allez vous faire enculer. Moi, je sais ce que j'ai fait, la vie de ma mère que j'aime rapper. Et je vois pas où est le rapport. Depuis petit peu, je passe les rapports. J'écrase tous vos rappeurs, comme moi monter, c'est moi petit cœur. J'ai peut-être de luxe et bien. Nique ta mère, je suis pas un ancien. Je suis un type qui fait une son pain. Je vais avoir la plus grosse paix. Je suis dans le parking et j'ai récupéré la frappe qui te fait dormir. Un soir au poteau, c'est un truc de fou. Tout le monde est devenu ivre. Mon cœur est ralenti, je sais pas si j'ai l'amener ou te chier. Une frappe atomique que tu peux même pas toucher. On m'a dit petit, c'est un truc de ouf, mon pote, y'a du talent. Conseille de grands profitant, conseille de grands profitant. C'est Zama le beat, j'arrive pour te dire que de là où je viens, là où je vis, là où les jeunes ont le vice, là où pour rien on se tape des barres, là où les torses tu oses, où les arbis sont des abats. À part quand ils veulent construire, premier sur les lignes de tir. Zama, ils valent mieux que nous, demande à Champy, là où je viens. Le 34, on vous claque, là où je viens. Trop de vrai ont rendu l'âme, on dit souvent. C'est les meilleurs qui partent, là où je viens. Président, qu'un but le butait. Et Macron, arrête de nous mettre des balles. J'ai la rime qui te fait mal, normal, avec la vérité qui blesse. Là où je viens, tes habs c'est par pile. Les ins, ils nous prennent par pile. Les... Ok. Ici. Matos, locos, Magnifique, on est tu fais ton frère, mon pote. C'est léger, hop, nous régaler, tu sais. On switch ou quoi? Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Ah, ils sont pas les coups. Ils sont même trop. Ok. Eh là, c'est Manu. Ah merde. Ouh. Smoke. Et smoke, hein. Non, ton putain de joie. Eh. Ouh. Smoke et smoke, ouh, dans ton putain de joint. Ouais, saute et saute derrière toi les coups des gamins. Smoke et smoke, ouh, dans ton putain de joint. Ouais, saute et saute derrière toi les coups des gamins. J'ai une sale dalle que personne a. Mineur a gros estomac. Tu veux gérer l'affaire, mais laisse tomber. Mon équipe et moi, on sait gérer la Valentine dans la banane élevée. Je suis au deuxième flash, poteau, je suis foncé sur la route du succès. Je vais foncer dans la vie. À skip, t'es un forceur. À skip, t'es un forceur. Force pas trop, on va t'allumer. T'as capté que je te parle et pas de briques. La danse casse le dos, le daron compile des briques. Dans le béton, les mains salies. Désolé, maman, je suis dans la C et dans le SMI. Je vais pas faire comme les autres, travailler dur. Si c'est pour au final toucher le SMIC. Écoute, y'en a qui vendent de la drogue, y'en a qui vendent des armes, y'a un bon bail, on collabore. Reste discret au final, rappelle-toi une balle, tu meurs. Y'en a qui vendent de la drogue, y'en a qui vendent des armes, y'a un bon bail, on collabore. Reste discret au final, rappelle-toi une balle, tu meurs. Et maintenant c'est fini, je les baise. C'est moi qui gère à la base. Dans le bolide, je roule mon pose. Et moi la concu, je l'écrase. Et la concu, d'où je la respecte. C'est moi, je sors les meilleures phrases. Et c'est moi, je sors les meilleures rimes. J'espère que mes faits endurantes et qu'elle va tenir le rythme. Smoke, smoke, wouh, dans ton putain de joint. Ouais, saute et saute derrière toi, les coups des gamins. Ouais, smoke et smoke, smoke, dans ton putain de joint. Joint, saute et saute derrière toi, les coups des gamins. Je suis en train d'écrire, coup de bigot, Yankee à servir. Je me suis levé tôt, tout en caché, un accro. Je suis sous jack, pas sous chronambour. Je suis en train d'écrire, coup de bigot, Yankee à servir. Je me suis levé tôt, tout en caché, un accro. Je suis sous jack, pas sous chronambour. Eh, eh, ils auraient compris, pour l'instant je m'entraîne. Eh, demande à ta copine si elle m'a bien vu monter sur scène. Je vais y arriver, sa mère je le sais. Je fume le jaune, toi tu t'as placé. Des jaloux, mon pote je me suis lassé. Et devant l'OPJ s'enlacer. Écoute, y'en a qui vendent de la drogue, y'en a qui vendent des armes. Y'a un bon bail, on collabore. Reste discret au final, rappelle-toi une balle, tu meurs. Y'en a qui vendent de la drogue, y'en a qui vendent des armes. Y'a un bon bail, on collabore. Reste discret au final, rappelle-toi une balle, tu meurs. J'roule, je tasse mon joint. Dans mon équipe, que des malins. Et celle-ci, elle fait la maline. Othello, ça ricoquine. J'roule, je tasse mon joint. Dans mon équipe, que des malins. Et celle-ci, elle fait la maline. Othello, ça ricoquine. Wouh! Smoke et smoke. Smoke. Eh, dans ton putain de joint. Ouais, saute et saute. Smoke. Derrière toi, les coups des gamins. Wouh! Smoke et smoke. Smoke. Eh, dans ton putain de joint. Ouais, saute et saute. Smoke. Derrière toi, les coups des gamins. Manu, 7-0, les potes. Check. On a une chaîne. Pull up. Je pull up celle-là. Une autre. Allez, on pull up ça. Qui reprend? Une autre. Une autre? Ouais. On va faire entrer. D'après. Big Ziff, hein? VLP. Ouais, mon pote. Ciao, mon pote. Yes. Ok. Vas-y, hein? La solitude, c'est ma chienne, c'est ma pute. Je vis pas pour ma répute. Jordan, t'exécute. J'amortis ma chute. Ah ouais, j'ouvre mon parachute, je suis dans le four. J'augmente la température en cas de coup dur. J'ai mon armure, mon blaze résonne à la tescomophone. Pour m'arrêter, faut mon drame buter. Ils savent juste flûter. Allez, allez, j'ai pas le time, j'ai fait mon choix. J'ai pas eu besoin de passer par Evelyn Thomas. J'rigole plus à leur humour, j'crois de fils de pute à la Zimour. J'baisse ses verres, y'a bien longtemps que j'fais plus l'amour. Film de cul, j'suis dans ma rue, c'est l'homme, ça fume. Fume de la teuté. Et moi je m'en fume à coup de tarpé, mon départ est acté. Ça passe ou ça casse, à mon destin je fais face. Je me vois pas la face, il me faut du cash. Faut bien qu'ils sachent, mes ennemis, je vais pas jouer à cache-cache. Prends de l'âge, je me pète un flash et je vous arrache. Cherche pas à faire un hit, mais à monter sur un coup comme dans Hit. Ah ouais, Big Mon. Ouais. Ziv, CDG, Balo, hein, Zamat, Mani, VLP, hein. On est tous dans la maison, on est tous dans la maison. Tous dans la maison, tous dans la maison, on est tous dans la maison. Pow! Pow! Pow! Ok. Pow, Big. Ok. Ouais. J'ai le désir un peu con, me prends pas pour un con. con. J'ai le fusil un peu bon, me prends pas pour un con. Les tirs de 6 étoiles, con. Eh ouais, j'ai quelques prises sans craie. Niveau soir, j'ai mieux que Christian Dior. Les TT dans la ligne de mire. Les deux buts dans la ligne de C. Tu lui parles de la lune de miel. Elle mérite même pas l'île de Ré. Gère ma vie comme un casino. Mais ouais, je suis entouré de faux jetons. Vends ta mère ou ta sœur, je ferai jamais le Calimero. Je préfère être le gros connard, ça passe mieux que le pauvre con. Ah ouais, ça, ma mère, gueule. Pas de chouli, mon compte est tout son pas de chez moi. Ouais, maman, t'as pas tout dit. Ouais, ma mère, elle parle chinois. Elle est rodée, une famille de malinois. Aïe. Mais on a tous sauté. J'en pisse au cul à des rappeurs, je fais 2-3 bifs, la mise s'occupe. Je suis sur le déco, mais je vise le but. Bang, bang. Bang, oh, bang. La CDG. Ballot. On est dans la maison. Zama, Zama. On est dans la maison. On est dans la maison. CDG est dans la maison. VLP est dans la maison. Bang. CDG est dans la maison. Bang, bang. VLP est dans la maison. CDG est dans la maison. Bang. VLP est dans la maison. Pow. Ballot. Balo, va falloir du vénère, moi. Ah ouais, c'est bon. Manu, il a posé. Ah, ok, ok, ouais, ok. Ah, on est encore dans la maison, quoi. Non, on est tous dans la maison. On est tous dans la maison. C'est DG, Balo, Big. On est tous dans la maison. LP, Zama. Hein. J'ai la rime facile, je vais les baiser facile. Je vais les baiser facile, j'ai la rime facile, je vais les baiser facile. Je vais les baisser facile, j'ai la rime facile, je vais les baisser facile. Je connais tous tes potes qui baissent leur jean. T'es un fils de pute, toi tu veux ma chute. Merco Benz dans la life t'assume. J'ai toujours fait que les bons calculs. C'est des faux rappeurs, tout dans la bouche, je vais leur caler dans le cul. B.A.L.O, c'est la peuf de l'Est. Un animal, je suis cru. Oh Dieu, pas de malentendu. Bah ouais, ma gueule, ici c'est la hurle. Tu connais la devise, fais le fond t'encule. Fais le fond t'encule, t'as bien entendu. Je plante que je le bute. Dans tout le quartier, c'est la crise à mort. Dans tout le quartier, ça se... Ah! On baisse vos lois, on est jamais. Putain! On ouais, baisse vos lois! Attends, attends, je pull up, je pull up, je pull up. Vas-y, pull up, pull up, pull up. Vas-y, ouais, ouais. C'est reparti, voilà, c'est reparti. Pas trop dedans, SB. On le fait, Zamat, mon pote. Voilà. Égal ou pas? Hein? J'ai la rime facile, je vais les baiser facile. Hein? J'ai la rime facile, je vais les baiser facile. Je connais tous tes potes qui baissent leur jean. T'es un fils de pute, toi tu veux ma chute. Merco Benz dans la life, t'assumes. J'ai toujours fait que les bons calculs. Peur. Ah, vas-y, ma liche. Attends, hein, hein. J'arrive en flèche, pas de malaise. Nous c'est la thèse. Bien, elle hausse c'est la peuf de l'Est. Et parle pas trop, allez, ferme tes fesses. Et nique ta mère, si quand avec eux tu retournes ta veste. Non, pas de pas. Yak. Ah, vas-y, moi j'suis pas dedans. Pardon. Les épreuves m'ont endurci. Solo, je fais face à la vie. Je pense à toi là-haut, mon meilleur poteau. Allah irahmo. J'endure comme un enduro. Chez qui veulent ma peau faire tomber le réseau. Qualité, quantité, même le commissaire a le nez enfariné. Ils ont réveillé mon côté sans pitié. Rien n'en perd comme un sans papier. Je constate que les vrais se font rares comme le pétrole. Joue aucun rôle, acteur, narrateur. Je te touche comme une tumeur. Pourquoi te mentir alors qu'il pourrait m'arriver le pire? Survivor avait ce qui plus d'une fois la mort, je fais face à leur sortilège. Mes victoires font sauter le bouchon de Liège. J'ai compris leur manège, respecté depuis l'époque du collège. À ma tête, je dois rien, elle me doit tous. Il faut un loup lâché dans la bergerie. Ça va finir en partout. Je suis là depuis 2012, j'mets un coup douce pour les couses. Ma voix, une bombe nucléaire, coup d'éclair. Je transperce leur père, moi et l'instru. On fait la paire, y'a pas plus sincère. J'arrive comme un tremblement de terre. Je suis le nerf de la guerre, fallait bien le faire. Mon album, c'est une vengeance. Canoncier, canoncier, canoncier. Ouais, ouais, c'est déchet. Demandez des balcons, ou demandez pas de train. Gagnez pas les balcons, t'es rapporté ta pain. Sauf qu'on les paye pas, tu veux faire un tas de fées. Faut passer la scène rare, tu la vois comme pirate. Tous dilates, bouge dilate, tous dilate. Le pétard est chichard comme un usiga. Un dégoût des charges, j'en négocie pas. J'veux la colchita, mais brochita, j'en négocie pas. T'as des bolcheviks, c'est les bordéliques. C'est les bordéliques, un écart. Tu vas prendre des piges à la 6ix9ine. Fini les buts et les cigares. Tu vas mal dormir comme un barigo. Comme un barigo qui va avec des cigales. Tu m'appelles, tu fais un gros, y'a plus de signal. Tu fais le gros ma gueule, t'es qu'un guignol. Tes paroles sales, pute, c'est de la pignole. Tes parents ont honte, donc ils picolent. Mettons pour les mains, j'ai une fin sale. Un sale. Un sale, qu'on y met des 5 doigts. Un sale, qu'on y met des 5 doigts, bang. Bang. Wow. Ballon. On switch, on switch, on switch. Switch, ouais, switch. Ah, on y va. J'en ai qu'un, mais pour lui j'en allume plein. C'est mon roche, c'est mon frangin, j'ai pas de poteau ni de cousin. Bah ouais ma gueule, j'ai que les miens. On vit dans un monde qui prend fin. Du père genre roulin, ils font les hlèles, les hnines, mais c'est que des grosses putains. Je viens pas pour égaliser, tu me connais Jean-Marc Plutin. Ça se comporte comme des gosses, et pour eux ça leur convient. Bref, écoute l'ancien, fais ta vie, fais ton chemin. Je suis dans le mal, je veux pas de câlin. Tu me demandes si je me souviens, y'a qu'à ma mac, j'appartiens. Là je suis déter, je suis serein, je vais continuer comme un assassin dans tout ce que je fais. Je suis certain, si je le fais, c'est mon destin. Ne te prends pas pour quelqu'un, moi je suis pas un citoyen. Je suis algérien, marocain, y'a que de Dieu que je crains. Ça y est, on est plus des gamins, faut faire du pif, être malin. Rassure-toi, je suis pas vilain, juste ne les réveille pas. Dans ma tête, on est plein. Reste calme, je te préviens. Je m'arrête là, c'est la fin. De toute façon, je les ai tous éteints. Ballo, on le fait dans ma compote. Tellement digeant, qu'au final, je m'embrouille avec les gens. Je ne sens rien demander en retour, tu m'as croisé en bas de la tour. Je rentre dans le cours, je vais augmenter la température. Quand j'ai eu mes coups durs, ils ont voulu m'exclure. Mais pour la hure, je me suis mis en mode dictature. Tu le ressens à travers mes écritures. Je suis comme la pure, je t'envoie loin. Je fais le point, cherche les points et je marque des points. J'ai fait un bout du chemin, histoire sans fin. Si je dois partir ou mourir, une balle dans mon œil, me suffira. Je m'attends au pire, j'ai pas attendu qu'ils viennent me soutenir ni rétablir la vérité, juste ce que je vaux. Qui ne me connaît pas dans 7-0. Je suis en guerre avec ces faux, malgré mes défauts. J'serai toujours du côté de mon ghetto. Wow, wow. Mon ghetto. C'est le pite. Ouais, c'est le pite. Ouais, c'est le pite. Ouais, c'est le pite. Ouais, on va être en banque, on va te régaler. Ouais, tu sais, yeah. On est ensemble. On est ensemble. Tu sais qui c'est. Là, c'est le pite, Mike. Ok, ça va. Y'a des putes qui veulent me faire taire. Oh, des putes qui veulent me faire taire. J'arrive avec mon CD déter. Pour les frères qui restent déter. Ceux qui collent leur front à terre. Restons dressés à rater. Ouais. Je vais mettre les faux plus bas que terre. Ça arrive qui frappe, mais y'a un coup de fer. Coup de fer. Pour qu'elle glisse, moi je perds ses verres. Sur l'instru, j'arrive sévère. Je me roule un verre, je me sers un verre. Comme voisin, j'ai le grand picot. Au pastis, on picole. Au sem, on décolle. Putain de résine qui colle. Je suis le moutard, la nouvelle école. 100% indépendant, Vatos Locos Production. Ni genouné, ni auto-tuné. On reste les mêmes, on reste vrai. Je suis pas à vendre, pourquoi. Fini à coup de lance-père, je vais les saigner. Enfin, j'ai teinté dans mon viseur. Viseur. Faut pas je les croise dans mon secteur. Mon œil droit c'est de faire peur. Illuminé, non je le suis pas. Je débite 7 mois devant moi. Puissant comme le Zamanique, cette tendance à soin. Mais il nous baratine, il nous cap bien. Crime à l'usine comme un bon à rien. Dans tes heures sur un calepin. Transpire pour un morceau de pain. Nanananananana. Et nique sa mère. Si. Mara. Lourd. Montpellier 34. Là, mon pote. Merci les gars, merci. Ouais. C'était l'émission spéciale Zama le Pit. Zama, t'as un petit truc à dire avant de rendre l'antenne? Tiens, approche. J'approche les frères. Qu'est-ce que tu as à dire avant de finir frère. Avant de fuir. Ben écoute frérot, je vous remercie beaucoup vous, la 25e. Merci la 25e. Normal. Ciao Younes, en tout cas vous m'avez régalé. Hein, le frérot qui m'a donné cacawa comme nom. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, frère, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. L'équipe CDG, Ballo qui sont venus nous soutenir, freestyle avec nous. Yes. Ça fait super plaisir. Johnny, Mani, tous Habluxeuil, Vatasokos Production. Il faut aller cliquer, on est ensemble de toute façon. Ça yes. Marche. Luxeuil au Montmarin, Luxeuil à Bezac, c'est la même. Yes, ça big marche, up. L'équipe. Big up à vous. Up. Merci beaucoup, Mani. L'équipe. Hein. Zama le Pit sur YouTube, Zama le Pit sur Snap, Zama le Pit sur Insta, Zama le Pit sur Facebook. Zama le Pit, il est partout. Tu peux le trouver partout, il n'y a pas de problème. Eh bien, partez pas, on va faire les photos. Moi, je rends tout doux l'antenne, comme ça on a le temps de faire les photos, tout ça. Vas-y, ça marche, mon frérot. Et puis, big up à tout le monde, merci d'être venu. Big up à l'équipe. Merci de vous être déplacé. Big up à tout le monde, l'équipe. Allez, 25e, on rend l'antenne et on se donne rendez-vous au mois de septembre pour les prochains. Merci Radio Sud pour votre accueil. Merci à tous les auditeurs. 101.8 radiosud.net. Jounes, le mot de la fin. Un ching ching chong. Voilà. On parle pas chinois, nous. Yeah. Quand t'es bien, t'es allé à demi. Te sentes seul et siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya creo que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche, que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya creo que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Con mi cuerpo un egoísta. Chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Alright, baby, Shakira, Maluma, Pretty Boy, you're my baby Loba, yeah, Colombia, you feel me? Radio Sud. Caméléon, yeah. Je suis sur le beat comme sur un tatami. Je fais du rap, je bousille la prod et je sors de la cabine. Dans les bas-fonds avec les rats de la ville. Tu veux me fermer les portes, rayons, on casse la vitre. Le grand sourire quand tout va mal, mais au mic, je l'ai mal, mais je prépare le coup fatal. Je manie la rime de fou malade, je suis solidaire, je leur mets des bases d'ess. Ils veulent me faire tomber comme Mufasa, ouais. Pas de chichi, pas de blabla. Je vois des gens qui souffrent, je prends du recul et je me plains pas. Que je te paye un verre, en vérité, je suis plutôt sympa. Bipolaire depuis que j'ai perdu mon papa. On a connu le hood, la débrouille, pas la vie de Pacha. Maman faisait les courses dans la cage, ça sentait le taga. Je me souviens de tout, pas de blackout. Boum, c'est le vacarme. On connaît tous des bouts quand c'est au placard. Je kick à la boîte, quand j'étais comme un moine tibétain. Je suis un homme bon au fond, mais y'a le mal qui déteint. Oh. Carré, Rayos, tout est carré. On parle peu, on fait nos paillets, on n'a rien déclaré. Je m'adapte, je suis un caméléon d'Arsa. Une vie bien rangée, mais dans ma tête c'est le bazar. Si pour percer il faut changer, baisser le falzar. Moi, je préfère m'effacer de vos radars. Dans le mouvement, tout est beau lourdement. De 5 départements préparés lourdement. La fumée sort de la bouche avec un goût de menthe. Je pourrais gagner la course même si t'es tout devant. Doucement, doucement, doucement, doucement. Je suis un caméléon, je m'adapte. Oui. Doucement, doucement, doucement, doucement. Je suis plutôt Bruce Lee que Zlatan. Doucement, doucement, doucement, doucement. Radio Sud. To believe we were burning on the edge of something beautiful. So-